Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cette émission Faut qu'on en parle, la suite. Après ces deux heures de débat intense, nous voilà réunis pour 20 minutes supplémentaires afin de prolonger la discussion et d'approfondir ce qui a été dit. On a longuement parlé de l'évolution du système éducatif, un sujet qui vous a tous captivés, l'école, l'inclusion, les nouvelles méthodes de notation. Nos experts en plateau vous ont éclairé avec leurs analyses et partagé leur vision sur cette révolution scolaire. Mais dans Faut qu'on en parle, la suite, il reste toujours des éléments à explorer et c'est ce que nous allons faire maintenant. Restez avec nous pour découvrir les coulisses de l'émission et tout ce qui n'a pas été abordé à l'antenne. Bien sûr, je suis toujours accompagnée de Luc et de tous nos invités pour poursuivre ce débat passionnant. Alors, quel mot il manque pour toi, Maëlys, dans ce débat long et intense ? De quoi aurais-tu aimé parler qu'on n'a pas eu le temps ? Un mot, une idée. Wow. Ben, du coup, je dirais. Tu es contente que ça commence par toi. La question de la formation ou non, puisque c'est ce dont on devait évoquer et qu'on n'a pas eu le temps parce que nos discussions étaient. Abordons-la en 2-3 minutes, effectivement. Est-ce qu'effectivement, les profs sont formés pour gérer les élèves qui ont des besoins spécifiques ? Voilà. Clairement. C'est à l'appréciation, je pense, de l'établissement. C'est-à-dire que moi, dans mon établissement, on nous a proposé des formations qui nécessitent de toute façon d'être complétées. Il n'y a pas de dispositif spécifique pour ça. Non, tu te formes tout seul. T'achètes tes livres tout seul. Et quand t'es contractuel, tu gagnes un peu moins de sous. Donc, pour te former, c'est encore plus dur. On va pas se mentir, les livres coûtent cher et c'est de ton propre chef. Alors, je sais qu'ils proposent quand même... on m'avait envoyé des propositions que j'ai acceptées, donc avec des visios ou des déplacements. Mais c'est vrai que je ne sais pas du coup dans le cadre, moi c'est en tant que contractuel, je ne sais pas si vous avez des temps de formation financés, est-ce que c'est à votre charge ? Ça, j'en ai aucune idée pour être honnête. On s'envoie proposer, enfin nous voilà, on a, par exemple nous on est liés à l'Institut catholique de Marseille. Ah oui, qui nous envoie dans le privé. Voilà. Justement, c'est intéressant de voir la différence entre le privé et le public. Voilà, on nous envoie quand même régulièrement des propositions de formation. Après, il existe aussi des sites internet, par exemple le réseau Canopé, où tu peux t'inscrire. Moi, régulièrement, je m'inscris à une petite formation d'une demi-heure, d'une heure, qui est certifiante, de surcroît. Donc tu peux montrer ça à ton inspecteur, il est content. Puis toi, t'as appris quand même 2-3 trucs. Il y a cette possibilité de faire. Bon, après, je trouve que... J'aurais besoin d'un approfondissement, peut-être par rapport à ma matière, l'inclusion par rapport à ma matière. Oui, mais cette année, on me l'a proposé. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est quand même plutôt pas sur quoi, suffisant. Sur des méthodes qu'on pourrait t'apprendre, de oui, des tuyaux qu'on pourrait donner. Oui, parce que c'est bien de m'expliquer le trouble de la dyslexie. Maintenant, quelles préconisations j'ai ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc ça, les bases, on les a. Les bases, grosso modo, enfin nous, on les a. Mais parfois, je trouve que... On est beaucoup dans les formations, on est beaucoup dans la description et voilà, pas suffisant. Pas assez dans la. Voilà, dans la les théorie, outils, on a besoin d'outils. Et quand c'est pas spécifique à ta matière, les outils, soit on nous en donne pas, c'est très général, on fait que de décrire, et ça manque un peu. Soit on peut pas trop utiliser tout ce qu'on nous donne, quoi. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit spécifique à une matière. Est-ce que des associations comme Cap École peuvent aider à former les enseignants ? Non, mais c'est intéressant. Alors, on n'est pas aujourd'hui, on n'est pas organisé de formation, hein, on n'est pas reconnu comme tel, mais bien sûr qu'on. Alors, tout à l'heure, tu demandais quel est le mot clé. Oui. Le mien, ce serait coopération. Okay. Je pense que aujourd'hui, on a aussi des parents qui sont. Nous, on les appelle des parents experts. En tout cas, et souvent, le parent, c'est le premier expert du handicap de son enfant. Et de ce fait-là, à ce titre-là, il y a plein de parents qui peuvent proposer de partager leur savoir-faire. Il y en a qui le font, oui, c'est vrai. Bien sûr. Et nous, on essaye de... Enfin, on n'essaye pas. On propose des sessions où tout le monde peut venir. Alors, bien sûr, d'abord les familles, mais on organise par exemple des ateliers spécifiques sur les cartes mentales, sur comment appréhender les mathématiques quand on a un trouble 10. C'est proposé par un neuropsy qui est spécialisé dans comment j'amène ça aux familles, comment j'amène ça, et du coup, on a des AESH, par exemple, qui viennent aussi à ce type de... Ce ne sont pas des formations, hein, puisque... Mais on peut dire que ça y ressemble quand même bien. Et puis, on va accompagner, si besoin, on va réfléchir ensemble. Hein. La notion de coopération, dans les adaptations, il y a vraiment des possibilités de partage de pratiques entre enseignants, entre AESH. Nous, on a une référente inclusion à l'école. On a le moindre problème, on lui dit, tiens, il n'a pas réussi cette évaluation, pourquoi ? Et ben, elle va te dire, écoute, viens, il n'a pas réussi parce que tu l'as mis sous forme de tableau. Son cerveau ne peut pas concevoir ce tableau-là. Donc, si tu veux évaluer telle compétence, tu vas le faire sous cette forme. C'est incroyable. Et là, la coopération, enfin voilà, elle prend tout son sens avec les familles et avec les autres enseignants, effectivement. Bien sûr. Pardon. Comment, alors, Eric. Bon, alors, bon, tout à l'heure, il y avait la question de la diversité. C'est vrai que là, on a parlé beaucoup du handicap. À un moment, on a un petit peu parlé de la question de, à mon époque, ce qu'on appelait les primo-arrivants, donc les gens qui arrivent d'ailleurs. Mmh. Donc là, par exemple, en français, il faut un enseignement spécifique, il faut des enseignants formés, il y en a très, très peu. Et puis après, la question de la diversité, c'est aussi quelque chose qui nous... Puis se développe à l'école la question des genres, et donc les gamins qui veulent changer de genre avec des difficultés sur les prénoms, par exemple. Une fois, c'est ça, le gamin il veut changer d'avis, donc dur à traiter. Et puis, est-ce que... Alors là, je parle de la question de la diversité dans son ensemble. On a eu toute une politique de la diversité. Moi, je vois, on est dans une région quand même politiquement marquée. Quand dans un lycée, on va très dans un sens... ça peut avoir des conséquences sur l'opinion publique. Si on regarde dans ce qui se passe actuellement dans les gouvernements, la diversité, on est passé d'une chose à l'autre. Donc, à un moment, il faut, c'est des sujets sensibles. Et puis, la dernière chose, c'était sur les formations. Les formations, on en a plein. On en a des, si on regarde, on a des kilomètres. Elles ont un petit inconvénient, c'est ou bien elles se font sur nos heures de travail. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais les profs qui sont absents, etc. Eh oui. Voilà, donc il y a ce problème-là. Ou bien elles se font en dehors des heures de travail. En dehors des heures de travail, allez savoir pourquoi. Je prends particulièrement de collègues. Donc les formations, il y en a plein, et elles sont multiples. Hein. On peut avoir l'inclusion, on peut avoir la mémoire, on peut avoir, si vous voulez vous regarder, le listing, il est particulièrement long. Bon, après, voilà, il y en a des fois qui sont annulés parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Voilà, oui, si quelqu'un veut, il peut. Voilà. Après, dans mes collègues, est-ce que j'en connais beaucoup qui ont fait des stages sur l'inclusion ? Je vais vous être franc avec vous, j'en ai pas trop qui m'en ont parlé. Charline, toi, oui. Ton mot, ton thème que tu voudrais aborder sur les 2-3 minutes qui nous restent sur cette partie-là ? Ben, moi, voilà, je pense juste... je pense qu'il y a quand même vraiment de moyens d'intégrer ces élèves. Et je voudrais juste faire une petite différence aussi. Enfin, ce qui nous aurait permis peut-être d'avoir un débat un peu moins houleux, c'est cette notion d'inclusion, effectivement, enfin, il y a une hétérogénéité et ça, il y a l'inclusion qu'on va pouvoir mettre dedans. Pas l'inclusion, inclusif. L'inclusif, pardon. Voilà. On change de... La diversité, de thème, voilà, inclusion et diversité, il est vrai que... C'est pour ça qu'au début, c'est pas la même chose exactement. Oui, parce que des élèves faibles, on leur propose une différenciation, c'est-à-dire on différencie un peu les consignes pour qu'ils comprennent. Quand on est dans l'aménagement, on est déjà... dans un autre domaine, dans le domaine du trouble de l'apprentissage, dans le domaine du handicap. Et c'est vrai que parfois, je pense qu'on ne s'est pas toujours entendu. Et les élèves étrangers, c'est encore autre chose. Il y a plusieurs niveaux dans l'handicap, parce qu'en fait, entre un dyslexique et puis quelqu'un qui a besoin d'un AESH, parce qu'il a vraiment un besoin médical. C'est vrai, mais les deux parlent d'aménagement. Alors qu'un élève faible qui aura une lenteur de lecture et pas un trouble, parce que quand c'est en dessous du trouble, enfin, on parle de lenteur de lecture, on aura quand même une nécessité de différencier. Après, c'est un peu compliqué, différencier, aménager, quelles sont les différences, encore autre chose. Puis, il y a aussi des élèves qui ont besoin d'un peu plus de temps aussi, de répétition dans la démarche. Je souhaiterais intervenir sur ce que tu viens, parce que c'est, j'ai un cas énorme. Dans l'éducation nationale, là, en histoire géo, on est devenu matière un peu secondaire. Et donc, les élèves, on leur demande de faire leur travail en une heure. Donc, faire une étude de documents, etc. Ils en sont totalement... incapable. Donc, tous mes collègues, on voudrait avoir des heures en plus, on ne nous les donne pas. Et donc, les gamins vont très vite, font mal, et moi, c'est vrai, et je ne regarde pas s'ils ont des dossiers. J'essaie de leur donner le plus de temps. Je préfère qu'ils ne se posent pas la question du temps et qu'ils essayent de réfléchir. De prendre. Et c'est vrai que je donne du temps en plus pour les élèves en inclusion, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont juste tout simplement besoin de plus de temps de réflexion. Mais moi, je suis d'une lenteur extrême. Mais bien sûr. Alors, ils ont pas. C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il y a des élèves. Des fois, je me dis, eux auraient besoin d'aménagement. Ils en ont pas. Bon, après, je sais pas pourquoi. Voilà, ils ont peut-être pas. Parce qu'après, c'est difficile, je pense. Enfin, c'est. Il y a aussi le déni de certains parents qui ne voient pas. Et puis après, il va aller jusqu'au bout. En une heure, un élève, je prends le cas de en une heure, il ne peut pas faire étude de document et être capable de sortir une réponse organisée. En une heure, ça sera obligatoirement bâclé. Voilà. Donc après, il y a la question du temps. Et la question du temps, et c'est la même chose pour les tiers-temps, on entre dans des obligations structurelles. Peut-être dans le privé, il y a plus de souplesse, plus non, de moyens. Non, on est confronté au même problème du tiers-temps. Quand il faut une heure et demie au lieu d'une heure, on ne sait pas, vu qu'après il a maths. C'est logique. Je fais quoi, je le prends sur l'heure de maths. C'est super compliqué. Pour les épreuves terminales, ça va à peu près. Mais pour les épreuves, il y a le contrôle continu dans plein de matières. Et le contrôle continu, le tiers-temps, quand on nous donne une heure, la demi-heure, on la trouve où? Voilà. Oui, donc c'est d'où la nécessité un quart d'heure. D'enlever alors où on enlève des exercice, questions mais une composition, une réponse organisée, on fait comment pour mais oui, la problématique est différente en histoire. C'est vrai que nous, en plus, on a une diversité d'exercices aussi à travailler qui est quand même autre, quoi. Donc je pense que et je veux revenir là-dessus, il y a une demande qui est très claire, mais après, il y a la lourdeur de la structure. Et pour revenir, c'est pas moi qui le dis, la Cour des comptes et autres, peut-être que pour qu'il y ait plus d'inclusion, il faudrait un peu moins de dossiers. De dossiers MDPH ? D'administration, de paperasserie. Qui sont lourds pour les profs, qui sont lourds pour les parents. Le redoublement. J'ai des parents qui sont, démissionnent à un moment... Parce que c'est trop lourd à faire. Ah oui, mais quoi, les dossiers MDPH. La démarche. Je sais pas, les démarches, les parents me disent c'est bon, c'est bon. C'est 600 euros pour faire tous les tests. Il faut l'argent. À un moment. Ah oui, non, mais c'est certain. Aujourd'hui, est-ce que c'est les parents qui doivent faire les tests? C'est pas un psychologue scolaire. Si, mais les tests, c'est qui amène les enfants. Voilà, qui amène les enfants. Il y a des pourquoi. Moi, j'ai vu des parents qui se tirent les cheveux. Alors aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place, en tout cas pour les TND. Je voudrais parler des PCO. Donc aujourd'hui, il y a quand même des plateformes où justement on peut prendre contact et avoir la possibilité. Et en fait, le dossier est traité par une équipe pluridisciplinaire où l'enfant va pouvoir bénéficier d'un bilan où les familles ne vont pas payer. Donc, il y a quand même une réflexion autour de cette histoire d'équité. Non, mais c'est pas l'argent, c'est les dossiers à remplir et la lourdeur des dossiers, oui, la lourdeur de l'aspect administratif. Ça, c'est vrai. Alors, que c'est lourd. On pourrait refaire une émission complète, c'est clair. On va passer sur notre deuxième partie de cette émission. Il faut qu'on en parle ensuite. Oui, c'est tous les sondages. Un peu plus léger, où nos auditeurs vont pouvoir avoir les réponses à leurs questions. Notre première question, donc, c'était de savoir si l'école, c'était quelque chose qu'ils aimaient quand ils étaient plus jeunes. Et ils ont été 90% à dire aimer l'école et 10% à ne pas l'aimer du tout. Est-ce que c'est un chiffre qui vous parle? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Est-ce que c'est représentatif? Alors moi, je pense que ça dépend quelle école, c'est-à-dire quel niveau, parce qu'il y a, en tout cas... L'école en général, c'est la question qu'on a posée. Parce que souvent, quand on est en primaire, on est tous contents d'aller à l'école, de voir les copains. C'est une autre démarche. Après, on rentre dans un autre système, donc ça dépend, je pense. Au collège, là, on rencontre une autre philosophie, des élèves qui sont un peu plus... Qui se transforment physiquement aussi. Il y a des questions de place, d'existentielle un peu, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui le collège, par exemple, c'est dur. Un trauma, quoi. Mmh. je grossis les traits, mais même en parlant avec des collègues, en se disant, le collège, tu t'en rappelles. La longueur des journées, c'était ça. Je ne suis pas un expert, mais je pense que les problèmes de harcèlement, etc., c'est collège, c'est essentiellement. Parce qu'après, au lycée, tout ça, ça se calme. Effectivement, les années lycées sont plus sympas, peut-être, pour les élèves. Après, tout est histoire de subjectivité. Je ne vais pas vous parler de ma rentrée scolaire, mais rentrée scolaire... Parce qu'en moyenne, on a posé la question. C'est catastrophique. Je dis à mes collègues, il ne faut pas arrêter, il y a des années qui étaient pires que ça. Globalement, si je prends Langevin, par exemple... J'ai l'impression, je crois souvent des anciens élèves. Je pense pas que c'est moi. Ouais, ils ont généralement des bons souvenirs de ce lycée. C'est des bonnes années pour eux. Voilà. Après, est-ce que c'est le cas de tous les lycées? Ça, je peux pas dire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a la question de nostalgie aussi. Une fois qu'on rentre dans la vie active, on se dit l'école, c'était. Mais bien sûr. Et donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là aussi les vacances. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'après, quand on rentre dans la vie active, eh bien, il y avait une espèce d'écoute et d'encadrement et de bienveillance. Mais c'est après coup. Alors qu'après, je suis désolé, mais le patron, je vais être un peu dur. Ouais, du vous coup, êtes boulanger. Mais alors, du coup, non, à mais partir du coup, ça... de quand les cintres? Parce que les gens disent souvent ça, même ils reprochent les vagues. Enfin, cintre, c'est au terme, c'est ironique. Le boulanger de Sanary qui veut pas prendre quelqu'un de couleur, le gars il dit, mais parce que ça me fait baisser. Mais voilà, donc à un moment dans la vie économique, eh bien, du coup, ça, ça se traduit comment au collège? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne. Enfin, tu vois, voilà. Si on peut rien faire, ouais, est-ce que pour autant qu'on les laisse au collège? Je suis d'accord, parce que si on prend le... J'entends ce que tu mais dis. Moi, mais moi, je suis le côté... C'est le problème, c'est que vous, en fait, vous êtes au collège. Et je suis au lycée. Oui, et je pense que l'incompréhension, elle vient en partie non, de moi, ça. Non, moi, j'entends ce que tu dis, mais je me dis, est-ce que, du coup, on se calque sur ce qui existe sociétalement parlant, ou est-ce qu'on aspire... Peut-être que c'est utopique, mais on veut changer. Et donc, du coup, si on veut changer la société qui va advenir... Ben, on la change dès le début avec... Après, je vais faire de la mauvaise philosophie. Même si on n'y arrive pas, de pas forcément mauvaise philosophie, c'est une réelle question, je pense. Le système économique dans lequel on est, pour le moment, il est basé sur... voilà, alors l'État peut un petit peu intervenir, mais après, l'entreprise, elle doit l'entreprise, quoi qu'elle soit concurrentielle... Je pense qu'on fait des signes. Je vais aller jusqu'au bout, on va prendre un handicapé parce que l'État finance. Si demain, l'État ne finançait pas... Comme un apprenti. Hein. Mais les apprentis, c'est pareil. Et ça, c'est un vaste sujet. Et ne parlons pas de ça au niveau des personnes en situation de handicap. Et vous savez où est-ce qu'on va faire des économies? Là, les économies à venir, c'est sur l'apprentissage. Et pour finir, je crois que c'est combien de milliards et c'est l'apprentissage qui est dans... Parce qu'on avait un deuxième sondage, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, pour descendre un petit peu en pression tranquillement. Effectivement, on a également posé la question à nos auditeurs sur quelle était leur matière préférée. Et le classement qui a été établi... Si c'est pas français, je m'en vais. Le numéro 1 n'est pas dans la salle. Non, les maths. Les maths, number 1. J'aurais parlé sur le sport. Moi aussi, sport. En 2, c'est le français. Moi, j'en ai lu un autre. L'histoire géo. Donc, comme quoi, les matières traditionnelles, on va dire les passeports, musique, etc., les matières fondamentales, restent quand même dans le haut du panier. Alors, après, ça vous étonne ou pas? C'est ça la question. Bien sûr que ça m'étonne. Oui, un peu quand même. Ah, mais parce que les gens qui ont pu répondre à ça, c'est comme les gens qui vous disent que l'école à 90%, ils l'ont aimé. Peut-être que quand on est dedans, ils répondraient pas, c'est la même chose. Pour revenir en gros tout à l'heure à la question de la diversité, etc. Aujourd'hui, il y a tout un monde sur le besoin d'ordre. L'ordre. Et il y a l'idée que les maths, c'est quoi les maths? C'est la rigueur. Peut-être. Et donc les maths, au moins les maths, on se fait mal, c'est la rigueur et le reste. C'est pour ça que je disais, faut faire attention avec tous ces outils. Aujourd'hui, on vient dans un monde où il faut que ça soit cadré, ordonné, organisé, etc. Et les maths, c'est la bonne matière pour ça, dans la représentation, parce que la réalité. Effectivement, nos auditeurs, sont pas des élèves de collège. Hein, au moins ils ont répondu. Donc les maths, c'est sérieux. Les maths, c'est sérieux. Et ils ont préféré en numéro 1 les maths, le français et l'histoire géo. Les fondamentaux. Peut-être qu'ils ont oublié aussi. Ce qu'on appelle les fondamentaux. Peut-être qu'ils oublient. C'est un vague souvenir. La mémoire, la réalité. Il y a les coups de règle, les coups de classe. C'est des gens qui rentrent dans la vie active. C'est aussi des gens qui rentrent dans les vies actives. Bon, voilà, nous arrivons au terme. Et oui, il nous reste moins de 2 minutes, l'occasion pour nous de vous dévoiler notre ressenti et surtout les coulisses de cette émission. Alors Luc, pourquoi avoir choisi ce thème-là? Eh bien, clairement en septembre, ça sonne avec rentrée scolaire. Alors depuis 10 ans maintenant, vous savez, on aime bien faire un point sur les sujets qui touchent les Français. Et puis on entend beaucoup de parents critiquer l'école, critiquer les profs. Cependant, il existe des passionnés, on l'a bien senti en plateau, qui sont là aussi pour tirer la population vers cette nouvelle génération aujourd'hui, clairement d'élèves vers le haut maintenant. On a choisi de traiter l'inclusion étant donné que la thématique de l'inclusion scolaire est un sujet d'actualité récurrent, avec des évolutions importantes dans les politiques publiques, notamment en matière de soutien des élèves en situation de handicap ou de difficulté. Oui, et comme d'habitude, il était important pour nous de vous expliquer aussi les changements que peu de médias apportent. Ce fameux système de notation scolaire, on en a parlé tout à l'heure, le débat était très très chaud. Et voilà, clairement dans ce système éducatif qui connaît maintenant des grandes transformations, comme on l'a entendu longtemps basé sur cette échelle de notes, il n'y a plus que les notes maintenant. Voilà, donc nous on avait vraiment envie de parler de ça et de l'inclusion ou du système inclusif peut-être des élèves, puisqu'il faut changer le mot, Mylène. Oui. Alors si on a pu vous éclairer ce soir sur ce sujet, notre émission est réussie, c'était donc Faut qu'on en parle la suite. On espère que cette émission vous a plu et on se donne très vite rendez-vous pour une prochaine enquête. On espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous écouter. À bientôt. Bye bye.